Nous chantons le cantique 3 seulement, numéro 224. Page 70. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, quelle sagesse d'une croix que je dois porter mon chant sera toujours plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, mon chant, sera toujours plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Pareil au vagabond, soleil se couche, ténèbres m'environnent, mon repos, une pierre dans mes rêves, mes rêves bien serrés, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, oh, dans mes rêves, j'essaierai, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. La caparace, ta voix, marche des siens, tu m'envoies tous, c'est là, par miséricorde, et les anges m'appellent plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, les anges m'appellent, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Mes pensées dévibrées par ta louange, je bâtirai des terres, des médures chagrins, crée par mes malheurs, plus près de toi, mon Dieu, plus paix, paix de toi, mon Dieu, tu paix de toi, tu par mes malheurs, tu paix de toi, mon Dieu, tu sur le quai, sur une aile de joie, perçant l'azur, soleil, étoile et lune, oubliez-je mon chant, plus près de toi, mon Dieu, mon chant, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, mon chant sera toujours plus près toi, mon Dieu, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Quelle merveille que de vivre près de lui. Quel privilège que de marcher près de Dieu. Que ceci nous soit tout le temps. Ici sur terre et même dans l'au-delà. Quand je traverse la vallée et l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ici bas et dans l'au-delà. Que Dieu soit avec toi. Que Saoul et son bâton te rassurent. Pour chasser les inquiétudes de cœur. Pour chasser les soucis de la vie. Pour chasser le sentiment de frustration. Pour chasser les incertitudes du monde. Et Saoul et son bâton te rassurent. Il est le berger qui t'a aimé. Il est le sauveur qui t'a cherché. Il est le Dieu qui t'a sauvé. Et il est qui te bénit, posé à te conduire constamment. Et la gloire et l'honneur revient à son nom. Et qu'il ne cesse de faire du bien à l'homme. Mon chant sera toujours plus près de toi, mon Dieu. Même quand je ressemblerai à un vagabond, sans domicile fixe, irant ça et là, ne sachant pas où serai-je demain, et que le soleil se couche, et que les ténèbres m'environnent, et mon repos sur une pierre, dans mes rêves, je serai plus près de toi, mon Dieu. C'est lui que j'ai cherché du soleil levant juste à son couchant. C'est lui que mes yeux n'ont pas vu. C'est lui que j'ai aimé ça l'avoir vu. C'est lui que mes yeux ne peuvent pas voir maintenant. Mais même dans mes rêves, je serai près de lui. Je reconnaîtrai sa présence. Ici la vie terrestre cesse. Même dans l'au-delà, mon chant sera toujours plus près de toi, mon Dieu. Pareil, au vagabond, soleil, je sais coucher. Ténèbres environne mon repos, une pierre dans mes rêves. Mes rêves, je serai plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, dans mes rêves. Mes rêves, je serai plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. La caparesse, ta voix, marche des siens. Tu m'envoies tous là par miséricorde et les anges m'appellent plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Et les anges m'appellent plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mes pensées devraient briller par ta louange. Bâtirai Bethel, lieu de prière, mes durs chagrins. Très par mes malheurs, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Très près de toi, mon Dieu, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Et au moment de l'enlèvement, à la fin de toutes ces batailles, tous ces combats, la persévérance, il y aura un départ soudain et secret de l'église. Les vainqueurs s'aniront. Et sur une aile de joie, cœur sans l'azur, soleil, étoile et lune, oublié, je monte. Quelle situation, quel moment. Une aile de joie. Personne l'a vu. Soleil, étoile et lune oubliées. Et là, je monte et je pars. Et quand je partirai comme ça, même là au ciel, mon chant sera toujours. Plus près de toi, mon Dieu. Et sur une aile de joie, perçant l'azur, soleil, étoile et lune, oublié. légèrement. Mon chant, chancera toujours près de toi, mon Dieu, près de toi, mon Dieu, près de toi, mon chant, chancera toujours près, c'est toi, mon Dieu, près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, après ces mélodies des cœurs, échangeant notre courant d'amour pour toi, nous bénissons ton nom, et te prions de soutenir la bataille pour chacun de nous, de soutenir dans les épreuves, dans les malheurs, même dans les situations délicates, quand il ressemblera à un vagabond, il ne saurait pas où dormir à tes mains, pour mousse et Nous allons lire à présent nous allons lire à présent la parole de Dieu. Et sa grâce soit sur chacun. Dans Jean au chapitre 16, nous prenons le verset 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité, qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Lenajale koloba nabino solo, nabino nzambi, et koye sabino litomba soko na kolongwa. Poete soko na kolongwa te mosungi akoye la bino te. Kasi soko na kokenda na kotinde la ye epai na bino. E koya ye akokamela ba mokili na tina na masumu pe na tina na boyenge bene. Pe na tina na kosambi sama. Na tina na masumu zambi bandiminga ite. Na tina na boyenge bene zambi na kokenda epai na tata. Pe na kosambi sa. Pe na na bokomona lisusu ngai te, na tina na kosambisama zambi ba mokili, zambi mokolo na mokili oyo asili kosambisama. Jean chapitre 12, Yohane mokapazomi na mibale, verset 31 à 33. Molongo ya tukumisato na moko kino tukumisato na misato. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Ça, ça y est, puis, qu'on s'ambisse à mon oyo et jali. Ça, ça y est, puis, mon colo, na motili oyo, à koboa kamalibanda. Ngaimpe, soko, na koneto la man, na motili, na kobenda, bato yonso, et pa inangai moko. Alobi, boyempona, Komoni sa kufa elingaki ye kukufa. Colossiens chapitre 2. Ba Colosse mokapo ya mibale. Nous prenons le verset 15e. Kozi molongo ya zumi na mitano. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement spectacle en triomphant d'elles par la croix. c'est cela. Alongaki Mikolo Mikonzi. Voilà. Atali Saki Bango Polele Lokola Eloko Pamba. Alongaki Likolo na Bango Pona Ekulusu. Béni soit le nom du Seigneur. Et Pambola Makomba Nkolo. Il bénisse la lecture de sa sainte parole. Apambola, Botangel. Et veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous avons quelques moments d'exhortation. Après le moment de prière que nous venons de passer. Et parce qu'ils nous ont rendu heureux. Ces moments de prière vous rendent heureux. Quand réellement vous contactez le Seigneur, la tristesse de votre visage se change en joie. L'incertitude de votre marche se change en certitude. Et alors vous savez en qui vous avez cru. Vous êtes rassuré qu'il est attentif à vos cris, à vos prières. Et celui qui a la foi dit amen. Dieu est bon, il est parfait. Dieu est merveilleux tout le temps. Dieu bénit les saints et les conduits. Dieu change les choses en leur faveur. La parole va droit et de l'avant. La parole ne s'arrête jamais, elle évolue. Elle progresse avec celui qui croit. Et l'incrédule ne fait que s'arrêter de condamner lui-même. Et ayez foi en Dieu. Le Seigneur a envoyé son esprit pour nous convaincre en ce concernant le péché, la justice et le jugement. Et hier, nous avons essayé de commencer ça, mais la lune que la chose a prise m'a rendu triste. Et mais on ne saura pas, les jours sont limités comme ça. Mais là, on ne fera vraiment rien. Mais j'ai prié que la grâce de Dieu nous soit amenée. Pour que nous disions que quelque chose, il devrait les enfants de Dieu à être édifiés pour le moment. Et aussi le reste dans la suite, Dieu pour voir. Vous aimez la conduite du Seigneur? Béni soit le Seigneur notre Dieu. Alors, d'ici trois jours, nous allons imposer les mains à ceux qui seront en jeûne et prière pour la repentance. Pour la repentance et le baptême du Saint-Esprit depuis trois jours. Donc d'ici trois jours, voilà, nous allons poser les mains à ceux qui seront en jeûne et à prière pour la repentance et le baptême du Saint-Esprit depuis trois jours. Je répète une troisième fois, d'ici trois jours, nous allons imposer les mains à ceux qui seront en jeûne et à pour la repentance et le baptême du Saint-Esprit depuis trois jours. Ok, l'annonce est faite. Que Dieu accomplisse sa volonté. Et qu'il nous conduise comme bon lui semble. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez maintenant, nous sommes en train d'évoluer pour marquer. Ça ne sera pas vraiment un point, mais un point virgule. Alors, nous allons cheminer par la grâce de Dieu. Écoutez, il est venu pour convaincre le monde du jugement. Au sujet du jugement, le Saint-Esprit est envoyé pour ça. Et le Seigneur nous dit ceci. Là dans Jean 16, où il a expliqué cela, où il a clairement annoncé cela. Il dit au verset 11 ans, concernant le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le monde a un prince. Et son prince est téméraire. Il est le patron de l'incrédulité. C'est le prince de ce monde. Dans Ephésiens chapitre 2, il a été aussi question. Au sujet des princes de ce monde. Mais là, le Seigneur a déjà dit qu'il devait être jugé. Mais dans Ephésiens 2, qu'est-ce que vous apprenez là-bas? Le verset 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Bino bojala ki bakufi kati na bikweli mpe na masumu na bino. Wana etambola ki bino kati na yango kobila nzela na mokili oyo, kobila mokolo na nguya na mopepe. Molimo yango ezali sasa epi kosalaka mosala kati na bana na kanza. Voilà le même prince à nouveau cité ici. Tala, mokolo mokile, mbala musuka tanga di awa. Celui qui s'appelle ici le prince de la puissance célèbre. Azali kwa benga ma mokonzi ya mbuya wa ya mipepe. De puissance qui agisse dans l'atmosphère. Azali kwa tambola, azali kwa sala kuna na zebi. Dans les airs qui sont d'ici de mouna te. Mipepe azali kolo na bisona mabele. Le même prince là. Mokolo mouwa na mokolo. Est appelé par Jésus le prince de ce monde. Mokolo mokili oyo. Là dans Jean 16 verset 1. Mouna na yoane zomi na motoba. C'est le même personnage. Ezali motomoko. Et le même personnage. Motomoko. Quand nous cheminons dans 1 Jean chapitre 5. Il porte un autre titre. 1 Jean 5 verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est lui qui tient le monde entier sous sa coupe. Sous sa domination et sa manipulation. Il s'appelle ici le malin. Et ce malin, c'est le même personnage qui dans Ephésiens 2, verset 2, est appelé le prince de la puissance céleste. Et le même malin qui est le prince de la puissance céleste. Dans Jean 16, verset 11, il est appelé par notre Seigneur Jésus le prince de ce monde. Est-ce que nous sommes en train de voir clair? Le même personnage. Quand nous allons dans l'Apocalypse, livre de la révélation. Il est encore décrit là-bas. Verset 9. Et il fit précipiter le grand dragon, un titre. Le serpent ancien, un autre titre. Appelé le diable, un autre titre. Et Satan, un autre titre. C'est lui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, verset 9. Dalabo na yango monene, abwakami ye nyoka na kalakala. Oyo abyangami motele melipe satana. Mozimbisi na bato na mokili mobimba. Abwakami na se, banje na ye pe, babwakami na ye elongo. C'est le même personnage. Ezali moto moko. Un personnage téméraire. Moto ya mutuma kasi. Tétu. Mutuma kasi kenda. Le patron de l'incrédulité. Ezali mokonzi ya kozanga kondima. Le voilà. Utala ye awa. Ici il est appelé. Awa byangami. Le grand dragon. Dalagona munene. Le serpent ancien. Nyoka wa kalakala. Celui qui avait séduit Eve au jardin d'Eden. Celui qui Eve a kunana langa na idine. C'est le même personnage. Ezali moto moko. Il est appelé le diable et Satan. Abyangami Satana. C'est la même personne. Ezali mobele moto moko. C'est lui qui séduit toute la terre. Ezali kozimbisa mokili mobimba. L'accusateur de nos frères. Mufundi oya bandeko na biso. C'est la même personne. Ezali mobele moto moko. C'est pas votre ami. Azali moninga na bino te. Il n'est pas notre frère. Azali ndeko na biso te. C'est notre adversaire. Azali motele mel na biso. Il est notre ennemi. Azali monguna na biso. Il n'est pas notre compagnon. Azali te moto zali ko tambola na yo. Nous ne voulons pas de sa compagnie. Il soto lingite ko tambola na yo. Il est notre ennemi qui nous combat. Azali monguna na azali ko bundisa biso. Et nous ne voulons marcher plus près de Dieu. Il soto lingo tambola pene na Nzambe. Dieu est amour. Dieu est sauveur. Dieu est lumière. Azali kole. Dieu est rédemption. Nzambe azali sagesse. Azali bo anya. Il est le tout puissant. Azali oya nguya nyoso. Nous voulons marcher plus près de lui. Toi vraiment? Yo pe lokola. Toi vraiment? Yo pe lokola. Mais alors, si tu veux marcher près de Dieu, il faut haïr les choses du monde. Quand les choses du monde sont inspirées, influencées par Satan. Ton personnage, votre ennemi. C'est lui qui donne des idées aux gens de ce monde, aux incrédules qui les manipulent. Pour qu'ils rendent un monde plus beau, plus attrayant. Ils mettent beaucoup de distractions ici et là. Des choses qui peuvent se captiver et se lier. Mais Christ est venu pour ta délivrance. vivre. Vous savez qu'on a pour sauver ton âme. On a pour sauver le monde. On a pour de l'emprise de Satan. Na kokanga mawa Satana. De la puissance du malin. Na nguya ya moto wa mabe. Il est venu pour cela. Christo ayepo na yango. Nous le mons sincèrement. Et nous savons que sa mission n'a pas échoué. Et Dieu était mosala na e. Sa mission est plein succès jusqu'à présent. Yango zali kolonga kino sasa ipi. On marche selon le programme du Seigneur. Nous sommes allés kotambo la kolanda na kana kolo. Et tout pour sa gloire. Et nous sommes bénis éternellement. Vous voyez donc le personnage qui vous combat. Vous allez comment on a monté l'imposteur qui manipule le monde entier. Et vous voyez la place de Christ votre sauveur. Et vous l'aimez de tout votre cœur. Et regardez la mission qu'il est venu accomplir. Dans Jean au chapitre 12. Yohane mokapoya une voix a retenti d'en haut. C'était la voix de Dieu en tant que Père Céleste. Parlant du Fils. Et parle au Fils. Jean chapitre 12. Nous trouvons ceci qui est écrit. À partir du verset 27. Nous retournons jusqu'au verset 33. Maintenant. Mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Ça, ça a été moli mon angai et tungi sami. Naloba nini. Et tata. Biki sangai natango oyo. Kasina yei natango oyo. Pona likambo oyo. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. C'est la voix du Père, hein, qui répond à la prière, qui contacte séance tenante, en connexion immédiate, sans décalage ni retard, c'est le Dieu que vous avez prié ce soir. Il est votre Père, le Père de Jésus-Christ. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Tata kumi sa kombo na yo, mongongo ebimi na likolo ete, nasili kokumi sa yango pe na kokumi sa yango lisusu. Que dans ta vie et ta famille, le Père glorifie le nom de Jésus. Na bomo na yo pe na libota na yo tata, kumi sa kombo na yo. Solo que tu as porté. Apesa nke mona kombo na yo za likolo. Solo que tu invoques. Kombo za likobele la. Solo que tu pries. Kombo za likobonde la. Qu'il donne gloire à ce nom là. Apesa nke mbo vele na kombo na. Qu'il va le faire. On dimeta ko sala yango. Il m'a poussé à le dire parce qu'il veut le faire. Na te ko tolo ba ko sala yango. Parle pour des résultats. Bambe aloba ka bobele pa. Parle pour délivrer. Mona ko kango. Parle pour sauver et secourir. Je parle pour répondre à la prière. Je parle pour consoler les cœurs. Il guérit les maladies diverses. Ta parole est toute puissante. Dans les cieux et sur la terre. Et en tout lieu. Père, glorifie ton nom immédiatement. Je l'ai déjà glorifié. Et je le glorifierai encore. Toi aussi dit, Père, glorifie ton nom. Yo pe loba tata kumisa kombo na yo. Mais dis-le avec foi. Loba yango na kondima. Tata kumisa kombo na yo. Moi je prie en ton nom. Ngai nazali kobondela bobela kombo na yo. Moi j'adore ton saint nom. Nazali kogumba mela kombo na mosantu. Moi j'aime ton saint nom. Nalingi kombo na mosantu. C'est un nom sublime et merveilleux. Nazali kombo malamu mingi koleka pe kitoko. C'est un nom surnaturel et parfait. Kombo oele kili koleka pe kitoko. C'est un nom bienfaiteur et protecteur. Kombo ke sala malamu pe kobatela. J'adore et j'aime ce nom. Nazali kogumba mela pe kolinga kombo na. Glorifie ton nom. Tata kumisa kombo na yo. Mais regardez comment tu es lourd pour les gens. Comment tu hésites pour les gens. Vous allez continuer à faire pour les gens. Même les gens sont faciles de venir difficiles. Oh, Père, glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom. Tata kumisa komo na yo. Père, glorifie ton nom. Tata kumisa komo na yo. Seigneur Dieu, glorifie ton nom. Lombambe, kumisa komo na yo. Dans ma vie, glorifie ton nom. Na bomo inangai, kumisa komo na yo. Glorifie ton nom. Na kesa oyo, kumisa komo na yo. Le Père de Jésus, c'est votre Père. Quand vous êtes sincère et droit, il entend votre cri. Il réagira et il réagit. Mais il ne voit pas du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Ebele na bato bayoyo batelemi wana bayoki yango mpe balobi ete Kake Engulumi. Bamosu souhaite moi j'ai alobinaye. Toi aussi. Okay. Père glorifie ton nom. Lui tata kumisa kumona. En réaction. As-tu entendu un coup de tonnerre? Monsieur Koyoka Kake. Tu as entendu un coup de tonnerre? Monsieur Koyoka Kake. C'est nous, non? Il a dit bon côté. Oui, qui coup de tonnerre? Le bagage, non. Vous devez répondre à une question facile comme ça. Tu as dit Père glorifie ton nom. As-tu entendu un coup de tonnerre? Sincèrement, non. As-tu entendu un âge te parler? Mais tu entends des paroles intelligibles. L'évangile du Seigneur pour sauver ton âme. Et te donner la vie éternelle. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre. C'est à cause de vous. Yes, le Père auquel vous vous adressez, il vous répond, Seigneur, Seigneur. Il vous répond dans la salle même. Il vous parle de manière intelligible. Oh, Dieu de grâce. Bonté divine et miséricorde. Écoutez ça. Maintenant, voilà. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Mmh. Maintenant, écoutez bien la parole du Seigneur. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Et pourtant, pas longtemps que hier, dans les textes de la Bible, nous avons lu la Bible. Nous avons vu dans Jean chapitre 3, Jésus dit que Dieu n'a pas envoyé son fils dans ce monde pour juger le monde. Mais il a envoyé son fils dans ce monde pour que le monde soit sauvé par lui. Ça a été entendu. Satan a payé au Kakiango. Il s'est frotté les mains. Yeah. Oh, le jugement, Seigneur. Même s'il est en train de chasser mes démons, il est en train de les terroriser partout. Nous devons attendre au dernier jour pour le jugement. Mais nous avons encore beaucoup de temps. Satan est allé convoquer une partie des réunions. Son équipe de démons et des princes et des gouvernements. Ils ont dansé comme pas possible. Ils sont mes amis. Quel jubilé! Voilà, ils ne savaient pas que Dieu leur réservait une surprise. Ils ont entendu parler du jugement des gens. Et les derniers jours, ils ont cru que eux aussi, mais le jugement viendra en ce temps. Effectivement, Yasolo, Dieu n'a pas envoyé son fils dans ce monde pour juger le monde, mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Satan, si tu étais intelligent, on s'est dit que le fils est venu pour que le monde soit sauvé. Le monde sera sauvé de quoi et de qui? Au lieu d'aller s'éteindre, c'est-à-dire que tu as beaucoup de temps. Mais Dieu, Lucifer, s'il te plaît. Pourquoi tu manques de discernement jusqu'à maintenant? Au lieu de te récréer, il va te poser la question de savoir. Mais le monde sera sauvé de quoi? Et de qui? Moi je réponds. Le monde devait être sauvé du péché. Mais ça, la réponse à la question de savoir. Yano, de quoi est-ce que le monde devait être sauvé du péché. Ensuite, le monde devait être sauvé de qui? Mais de Satan qui est le prince de ce monde. N'est-ce pas vrai? On annonce que le Fils vient pour sauver le monde. Le diable et sa troupe sont allés chez les Christ. Ils ont dit qu'ils ont beaucoup d'état. On annonce que le Fils n'est pas venu pour juger le monde. Ils disent ok, le monde est à nous. Le jugement fait le pas maintenant. Le salut là, ça ne marchera pas. Nous allons les tuer. Nous, Satan, il va dire, mais ça, nous avons le programme, tout est fait. Nous allons l'avoir. J'ai déjà un pire à moi, que j'ai infiltré près de lui, qui me communique tous ces moments. On était qui était ce pion-là, Judas le grand sorcier. Il nous communiquait au diable, son maître, tous les mouvements de Jésus. Un traître. Et Satan s'en glorifie. Satan a mais celui-là est mien. Regardez, lui il a pris même, il lui a donné le ministère de la vie. Mais c'est mon homme, c'est mon candidat. C'est mon pion que j'ai infiltré là-bas. Il ne savait pas que toutes choses concourent au bien de ses filles. Il ne savait pas que Dieu l'a laissé là dans un but. C'était pour que les écritures soient comprises. Vous savez, le diable connaît les écritures, mais il n'en a pas la révélation. Parce qu'il y a un il peut lire et réciter, mais il n'a pas la révélation. La révélation est donnée au ciel du Seigneur. Satan n'est pas un ami du Seigneur. Il ne peut pas céder à la révélation. Il est opposé à cela. Mais à toi Dieu révèle ces choses. Ne va-t-il pas les louer? Ne va-t-il pas être reconnaissant? Dieu te donne des révélations. Mais à Satan, accès Nasatara et petit ami et à côté à côté à côté. Il n'avait pas la révélation. Même pas le discernement. Atali son solité. Il est allé se récréer. A quel âge vous venez qu'on s'est fait là? Oui. Dio. Jésus annonce d'abord. Jésus a l'obagi le bosso. Que Dieu en envoyant son fils. Jamais qu'on s'y n'a qu'avant la naïe. Il n'a pas envoyé pour que le monde soit jugé par lui. Mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. S'il y a besoin de salut. Donc il est allé dans le bosso. Et s'il y a des perdus. Et s'il y a des perdus. Et s'il y a des perdus. Qui va bouger vers lui. Ils ont besoin de sauver. C'est que dans le passé, ils étaient guidés par un bourreau. Donc il n'a qu'à la bataille pour savoir qui n'a moto moko à l'époque. C'est celui-là, c'est le prince de ce monde. Celui-là, c'est le malin. Celui-là, c'est le diable et Satan. Il est le grand dragon. Il est le serpent ancien. Il est celui qui séduit toute la terre. Mais fiez-vous de lui. Défiez-vous de lui. Mais Christ l'a trouvé. Dans Jean 12, nous lisons la grande surprise. Après que le Père ait annoncé qu'il a déjà glorifié son nom, et il a glorifié la croix. Quelle assurance pour le Père. Le Fils a eu l'assurance par la parole du Père. Et il savait que la parole du Père est la vérité. Elle est l'assurance. Elle est la seule toute l'assurance. Elle est la fortification intérieure. Le Fils prend la parole. Il dit maintenant. Parce que le Père a déclaré. Il a glorifié le Fils. Il a glorifié son nom. Et il le glorifiera encore. Maintenant Jésus annonce. Quelle surprise. À quelques jours de son arrestation. Et de sa mise à mort. Il annonce maintenant. Surprise. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Trouble dans la tête de Satan. Mubulu na moto ya Satana. Il a réuni son état major. Avant de s'y bakondiwa ye. Qu'est-ce que cet homme veut faire? Iloko nini moto aliko sala? Est-ce que notre plan va jouer? Wana manga na bizoko koisa ma. Nous avons déjà notre pion qui va la. Ozali na motina mina bizoko kokanga ye. D'ailleurs dans quelques jours il sera au. Ezali mikolomoke ye bakokanga ye. Judas va exécuter le plan. Yuda yako sala bo bele mango wana. Prince tel, qu'est-ce que tu penses? Yuda liko banza ni na tina makambo. Principauté tel. Pwesi moto tsongolo katala yo mokonzi bakonzi boyo yo zali kobanza nini? Nous, je ne comprends pas. Vous allez qu'on soit sur les locaux. C'est vrai qu'il a dit ça. Il allait à Solasé Golobayango. Elle m'a fait rapport. Il est bien. Mais Jésus vient de surprendre. Yeshuana a dit maintenant, a lieu le jugement. Vous voyez comment il aime se contredire. Pourtant, il avait dit que le Fils n'est pas venu dans ce monde pour que le monde soit jugé par lui. Maintenant, de quel jugement il parle encore? Trouble dans le royaume de Céleste. La parole était si mystérieuse. Aucun démon ni aucune puissance ne pouvait déchiffrer ça. Akokaki kofongola toko yeba nini loba magina katikuna. Ils se sont mis à s'agiter. Batamani mobele na koningana. Ils demandaient l'un à l'autre qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui va se produire? Mais Dieu a tenu le plan de la rédemption sacrée. Il a chuchoté les secrets des révélations à ses disciples. Il savait que le Fils de l'homme devait être mis à mort. Mais il allait ressusciter. Satan lui savait seulement les complots. Satan les amis de la mort. Comme il avait mis sa mort sur les prophètes. Mais savez-vous ce que Dieu a fait? Quand il a révélé son mystère. Sa mise à mort et de sa résurrection. Il a ensuite voilé le message de sa résurrection. Pour que les disciples eux-mêmes ne bavardent pas. Oui, et que le secret n'atteigne les camps de l'ennemi. Tout ce que Dieu fait est bien calculé. Vous pouvez pas dire qu'il a compliqué l'évangile. Non, ce n'était pas le temps de tout dévoiler clairement. Non, pas parce qu'il n'aimait pas ses disciples. Mais parce qu'il gérait le diable. Il gérait les démons. Pour qu'il soit surpris par un coup fatal. Une victoire surprenante. Là où il n'y attendait pas. Que la débâcle soit totale. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le plus grand stratège. Il révèle, mais il voit la révélation. Il annonce, mais il est seul encore. Alors, il fait à Kaki en Béni soit le nom de Dieu. Quelle sagesse. Quelle profondeur. Quelle méthode. Je vous dis qu'il est sans parole. Même le diable ne peut pas les gagner. Le Fils de l'homme sera mis à mort. Mais il reviendra à la vie. Et la Bible dit, les disciples ont dit, mais c'était pour eux un discours dont les paroles étaient voilées. Il y a qui font la bango, et l'obéle les cambouana, et bon bamba qui les sous-sous. Pourtant, c'était déjà dit. Dieu faisait en sorte que les disciples n'aillent pas annoncer la résurrection avant le temps. Parce que si le diable connaissait que le Fils de l'homme va ressusciter, alors il allait renoncer à la stratégie de sa mise à mort. Il pouvait renoncer. Il allait dire, combattons autrement. Là, c'est peine perdue. Parce que s'il meurt et qu'il ressuscite, qu'est-ce que nous ne pouvons pas gagner? Il va continuer à vivre, non? Mais quand eux voulaient qu'il meure, ils voulaient qu'il meure comme les prophètes d'autres capoeurs. Qu'il soit enterré et que l'affaire soit close. Oh, Jésus avait un plan. Il ne révèle pas tout. Parce qu'il gère les forces de l'ennemi. Dans les septièmes sauts, la prédication est de dit que si je tiens à faire quelque chose pour Dieu, pour le compte du royaume de Dieu, je suis assez avisé pour ne pas en parler. Non pas parce que si je le dis aux enfants de Dieu, il y aurait quoi. Mais non, il dit parce que le diable va m'entendre. Dès que j'en parle, Satan va m'écouter. Et dès qu'il m'écoute, il se mettra à mettre les crocs à ma jambe. Il va multiplier les obstacles pour que la chose ne se fasse. Écoutez maintenant, il dit, tant que c'est gardé dans mon cœur, et comme mon cœur est scellé par le Saint-Esprit, il ne peut pas y accéder. À ce moment-là, la chose perd ici. Je vais simplement la faire, et le diable sera surpris de ma voix, réaliser la chose. Béni soit le nom du Saint-Seigneur. Et c'est le fils que le Père avait marqué de son sang. Il a incarné en lui-même tous les plans de la rédemption. Tous les secrets de votre salut. C'était en lui Christ. Tous les plans de votre délivrance. C'était en lui Christ. Et il a géré votre adversaire. Il a géré vos ennemis les démons. On ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe quoi. Béni soit son nom. Maintenant, Satan, Satana, il a trouvé une nouvelle diversion. C'est la preuve. Même lui, Jésus, il s'est contrôlé. Très bien. Reste dans cette occupation. Pendant ce temps, le programme du Seigneur avançait. Il s'est contrôlé. Il s'est contrôlé. Il s'est contrôlé. Il s'est contrôlé. Il s'est contrôlé. Il s'est contrôlé. Moi, je suis Dieu, votre Dieu. Oui, nous allons zambé, zambé, c'est comme ça qu'il trompe ses années. Regarde le lingot, on a costa capato, capato naïe. Gros matin. Il dit, je vous ai toujours dit. Na lobe la cabine au vous me voyez même contredire ici. On a ganga comité les meilleurs. Moi, je suis sérieux. Oui, nous allons motona yongi. Mais voilà votre homme là. Tala motona bino. Il a dérangé mes forces ici. Asili kotungi sa. Il a déplacé les démons. Asili kotungi sa. Lui, il a été contredit. Yewana zali comité les meilleurs moko. Il avait dit, je vous ai que Dieu n'a pas envoyé son fils pour que le monde soit jugé par lui. Mais il peut se permettre de dire encore. Maintenant, il y a le jugement de ce monde. Qu'est-ce qu'il veut faire? Agite-toi. Ningana, bitugisa bongo. Babarde comme tu veux. Mais tu ne connaîtras pas le secret. Tu ne connaîtras pas le secret. C'est pour les disciples de Dieu. Voyez-vous que vous êtes privilégiés, presque vous allez tomber Satan. Dieu vous donne privilège mieux que les démons. Il vous fait connaître des choses qu'il cache complètement aux démons. Pour que vous ayez la supériorité. Que vous ayez l'autorité. Que vous ayez la victoire. Dieu est bon. Est-ce que tu comprends ces choses? Pour regarder le diable d'un regard. On a kotala, satana, kotala moko. Alors que tu ne vois rien vraiment, tu n'as rien. Lui continue à s'agiter. Les démons aussi s'agiter. Ah, démon a fait aller coninga là. Ça on ne va pas laisser passer. Oh, yo, tu continues qu'attirer les calomnies. Pour les confusions, c'était pas. Voilà, mon couple est pas une moto, voilà, mais le foutre de Jésus. Moto, voilà, avec Jésus. Il a dit jugement, maintenant jugement. Alors, il va s'amuser à les aligner. Qu'il ose. D'ailleurs, avant qu'il commence à faire ça, nous allons les tuer. Tu comprends mal. Dieu a laissé faire les réunions. Il a laissé faire Judas. Il a laissé faire Judas. Christ a été livré. Christ a été livré. Il avait annoncé. Après avoir dit maintenant. A lieu le jugement de ce monde. Maintenant. Le prince de ce monde. Sera jeté dehors. Vous entendez ça? Pas dans ta vie. Il peut être dans le monde. Il peut faire ses histoires dans le monde. Il peut être dans ton pays. Il est presque ce monde. Mais par rapport à ta vie. Tu sais que de ta famille. Tu sais que de tes affaires. De ton travail à toi. De tes projets à toi. De tes programmes à toi. De ta vie elle-même. Satan, Libanda. Amen. Il n'a ni droit ni héritage là-bas. Là où toi tu fonctionnes, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Satan, Sat C'est le jugement divin. Au profit des héritiers du salut. Au profit des héritiers du Seigneur. Le Saint-Esprit est envoyé pour ça. Il est venu pour ça. Pour convaincre le monde. En ce qui concerne le jugement. Pourquoi le jugement? Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Jésus le dit dans Jean 16. Parce que dans Jean 12. Il avait déjà annoncé au temps présent. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Quand on arrive 4 chapitres après le chapitre 12. Et que nous sommes en train de précisément le verset 11. Là, il est prédit encore. Le Saint-Esprit viendra convaincre les morts. En ce qui concerne le jugement. Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Jésus n'était pas encore arrêté. Il n'était pas même encore mis à mort. Mais le jugement du prince de ce monde avait déjà eu lieu. Il a eu lieu quand? Dans Jean 12. Il est devenu historique quand? Dans Jean 16. Dans Jean 16. Le jugement avait déjà eu lieu. Dans Jean 12, le jugement était en train de s'accomplir. Vous comprenez, frère, la stratégie du Seigneur, afin que son fils ne soit jugé par les hommes, qu'il ne soit humilié par les hommes, qu'il ne soit mis à mort par les hommes, avant que qui que ce soit ne mette la main sur lui, Dieu s'est précipité de juger déjà Satan. Et de fixer son sort. Et de dire que sa place est ailleurs. Amen, amen, amen, amen. Nul ne peut gagner Dieu. Côté, nul ne peut dévancer le Seigneur. Il est toujours l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Et à tout il sera le premier. Amen, amen. Est-ce que tu peux voir la démonstration de la maladie? Comme on dit dans la date, un prix qu'il croyait prendre. Lui pensait prendre les autres, mais lui a été pris au piège. Il pensait piéger les autres, mais Dieu l'a précipité dans son piège. Comme il était pris, c'est lui qui crée une faute, pour que le juste tombe, lui-même il tombera le premier. Jésus-Christ est le juste. Satan a préparé un complot. Satan a bon qui. Il a conciliabilé autour de lui. Qui boyo kanya mabel, il a tenu le renom occulte. Ya il a tenté cela. Pour le sort de Jésus le visiteur. Mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Son propre sort était scellé. Sa propre affaire était close. Si tu dis amen, qui voit la délivrance, tout le reste n'était plus que formalité. L'acte déterminant, c'était d'abord le jugement divin. Et le Père se prononce entre Satan et Jésus son fils. À qui est-ce qu'il allait remettre le mandat? Et le Père a tranché. C'est le Fils qui doit régner sur le monde. Le jugement a tranché. Satan l'a appris à ses dépens. Quand il va s'agir de commencer le bon combat, il n'y a plus moyen de faire appel. Parce que le jugement divin, c'était le jugement de la Cour suprême. C'était la Cour constitutionnelle. C'était le Conseil d'État. C'était la Cour de cassation. C'était la Cour de compte. la cour de tout. Lorsque elle a tranché, on ne peut plus de recours. Béni soit mon Dieu. Il nous apporte un salut dans la plénitude de la croix. La rédemption dans la totalité de la croix. Il n'y a pas d'appel contre la décision de ton salut. Le jugement est prononcé. Jésus est ton sauveur. Jésus, tous les recours que le diable et les démons feront seront déclarés non recevables et non fondés. Amen. Non recevables et non fondés. Il y a prescription. Et comment vous il n'y a pas moyen de recourir. Il n'y a pas de délai qui est donné. Oui, pour que vous puissiez introduire les recours. Oui, bon, l'affaire est forclos. Et tous les plénières qui viendraient contre votre salut seront fait bouter. Parce que le jugement a dit le prince de ce monde l'a jeté dehors. Tout ce qu'il va essayer de mener comme des pour l'amener votre salut. Voilà comme la logique contre le logique de la vie. Pour perdre sa gang à la maladie. Le Saint-Esprit est venu avec mission. Et cette mission est irrévocable. Wana est une mission taxée de succès. Il est notre Josué. Azali Joshua a dit ça. Le Saint-Esprit, c'est l'antitif de Josué, à qui il a été dit, il ne tiendra devant toi. Tout seul qui foulera la plante de tes pieds, partout où le Saint-Esprit il y a victoire et triomphe, il y a délivrance et salut, il y a guérison divine, il y a prospérité, il y a pardon. Amen, amen, amen. Il y a la réponse aux prières. Il y a la police de amen. J'aime Jésus qui soit loué. Amen. Amen. J'aime Jésus. Il est le redoutable et le vaincu. Tu vois la lumière. Tu vient dans ta vie. Tu vois la lumière. Il s'est allé. Déjà les ténèbres. Déjà les ténèbres se dissipent. Et la lumière de vie paraît déjà. Dis la Bible. Les ténèbres se dispersent déjà. Et la lumière glorieuse de Dieu. Ne crains même pas que le diable est pour lui des recours. Tous les recours seront boutés. Ne crains même pas l'armée de Satan. Parce que Dieu a joué la haute stratégie. Il l'a déjoué comme Satan. Il l'a mis dans la bouillie. Le Père Céleste a déjà tranché. Le Prince du monde déjà jugé. Et il doit être jeté dehors. Il lui est jeté dehors. Quel est le sort de ses anges? C'est le même sort qu'il avait connu aussi. Quand il avait été précipité, les anges passent à suite. Il était avec lui. Après les 12 ans, on a lu. Et maintenant que Satan doit être jeté dehors, quand il va dehors, tous les anges, tous ces démons, tous les esprits méchants, les esprits sorciers, les esprits fétichers, les esprits charismatiques, les esprits occultistes, les esprits magiciens, tous dehors. Moi aussi, quand j'ai le mot d'Abraham, amen. Loin de toi, loin de tes affaires, loin de ta vie, Le prince de ce monde est déjà jugé. Tu dis amen. Et tu comprends ce que c'est. Tu vois la grâce que cela représente. Alors, relisons Colossiens 2. C'est l'évangile, la bonne nouvelle. Colossiens chapitre 2. Paul qui n'était pas là. A reçu la même révélation. Les événements qui ont entouré la croix de Christ. Ici dans Colossiens 2 verset 13. Le prince de la puissance de l'air est jugé. Mokolo, il est jugé dehors. Et dans vos offenses, c'est là qu'il il est régné. Kati, dans vos péchés. Il est déjà jugé. Gloire au Seigneur Jésus ton sauveur. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Bino bojalaki, bakufi pona bikweli mpe pona kozanga kokata mangenga na nzoto. Nde ajalisi bino na bomo inaye isika moko. Alimbisi bino bikweli na bino yonso. Ne voyez-vous pas par là que même toutes les actions menées par le diable, ses satellites, ses acolytes, au nom de l'accusation contre lui, ne voyez-vous pas que ce sera débouté? Car le jugement divin a décidé de vous faire grâce pour toutes vos offenses. Amen. Toi et tes démons, on t'a vu. Yona ba démona na yo soni na bino. Mangungu ya pamba. Boko sala bana zambe le côté. Amen. Ouais. Ba action nous sommes menés en justice devant les trônes de Dieu. Notre Père sont voués à l'échec. Yali akufoi sama. Toutes les actions d'accusation. Mais ça la nuance à confondre. Bon, on pourra dire maintenant le message de grâce dit. On va s'engouffrer le vivre. Écoutez, croyez au message de grâce. Dimanche, on veut vous redresser, on vous dira autre chose. Donc il va aller la mais quand on vous annonce le salut par grâce, amen. Seigneur, amen. Soyez souples pour naviguer. Zala pété pour la potambo la nanzeloana. Et sois là pour être édifié. Zala wana pour la potambo la pièce zala kati kati. Quand on veut vous corriger, quand on va parler autrement. Akolo valolé quand on veut vous redresser, amen. On va parler. Mais maintenant c'est le message de grâce. Ne les foulez pas aux pieds. On a tiré mon avocolote. Avertis son message. L'accusateur peut venir. Mon fou d'accord qu'on y a. Il est libre de mouvement d'aller au trône. Asalina, vos sommes y a connu dans la parole qu'on a envoyé. Il va présenter ses moyens. Akotali sa ma coquille avant même que l'audience ne se tienne. Liboso et que Kosami sa maïsa le ma. La décision est déjà annoncée. Wana Vasile Koloba. Et le prix au calvaire est valable pour l'éternité. Et elle était rendue en quel terme au calvaire. Ava qui a mon avocolote ni kuna. Tata. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est le décret du calvaire. Et dans l'évangile, Paul rend cela autrement. Il dit qu'il vous a fait grâce pour tous vos offenses. C'est les mêmes fonds, la même matière. Ils ont il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Écoutez ceci, la bonne nouvelle. Verset 13. Vous qui étiez morts, je termine déjà. Ne soyez pas distraits. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Bino bozalaki bakufi pona bikweli pe pona kozanga kokata mangenga na nzoto nde ajalisi bino na bomoi na ye esika moko alimiti bino bikweli na bino yonso. Il vous donne vie là où Satan veut vous voir mort. Et pas avec Satan, mais comme on l'a vu dans la couche. Il vous vivifie. Même si le diable est discipliné, il s'attaque les hommes. Il vous donne vie. Il vous fait grâce de toutes vos offenses. Pour ça, la vie est engolue, la masse, la vie est masse. Amen. Vous acceptez ça? Amen. Vous allez continuer à l'angle. Celui qui croit verra la gloire. Vous allez continuer à comment on a qu'un mon ensemble. La grâce n'est grâce que pour ceux qui ont été engolus. Vous allez continuer à l'angle, vous allez le col. Si tu négliges, il n'y aura pas les effets. Donc, mon pamba, attention, ça commence déjà maintenant. Attention, ça a déjà commencé. Vrai. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Abomi Mokanda. Mokamami na tina na biso pona pokwa isa biso alongola ki yango na nzela wana ekangami ye yango na se na ekulusu uwe deja baki na mine ekulusu kuna les ordonnances de condamnation où est-ce que Satan va pokwa isa mawa yo Satan akoza yango wa ki akoza yango pa ina nani e koma pelo lenge nini ina faire close depuis le lika moe fila ki uta foto mi bale vous dites avant que je ne sois né je vous ai rapporté ma c'est le dieu de la prédestination et dans zambe na kolenga le makamuli bosone za ko babo ya il le faisait il savait vibrer tango avant que ça la mona ki mosango ni nayo et quand l'évangile sera programmé dans ta vie avant que ça mon malamu ko loba na bomo na yo ko benda ma vivra et tu obéiras au colanda pe ko tosa car il a dit quand je vais te lever la tête ah tango mona ko neto la mona mabele ya tirer tous les hommes à moi ko benda ba tonyo. Même ceux qui n'étaient pas cornés vont inclure là-dedans. Est-ce que tu crois le mystère de l'évangile? Vous le surnaturel de Dieu. Oh, les clics en Zambé. Tu figures dans ce qui était attiré là. Vous allez cacher dans votre bende bakuna. Amen. Il ne devait pas revenir mourir une deuxième fois. Non, non. Quand il était attiré, Tango élevé de la terre. Atomo une seule fois. Mais à la croix. Il a dit j'attirerai tous les hommes. Na donnera tous les hommes une occasion. Na sur un avertissement, un message. Chacun doit décider choisir. Entre croire ou rejeter. Mais moi je suis heureux d'avoir cru. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Mais celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. C'est la bonne nouvelle pour toute la création. Tu as fait partie de ne doute pas. Vous allez faire la bonne nouvelle pour toute la création. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Dépouillé. A botoli to botola nyoso ya bango. Amen. Oye banda ko sala fierté na bango, pouvoir na bango, makoki na bango, dépouillé. Et les a livrés publiquement spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Amen. Alongola ki mikolo pe mikondi. Atali saki bango polele lokola eloko mpamba. Alonga ki likolo na bango pona ekulusu. Ça c'est l'amen, l'amen, l'amen. Le Saint-Esprit vient pour nous convaincre. Il travaille, il traque le cœur des gens. Les persuadent l'amour de Dieu. Les montrent que l'œuvre du calvaire est parfaite. C'est déjà accompli. L'affaire est terminée. Ton salut est accompli. Ta rédemption est réalisée. Le pardon de tes péchés. Amen. Amen. Qui a pris amen, des condamnations. Amen. Ni au présent, ni au futur. Attends, attends, Koya. Qui dit amen. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, amen. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non Écoutez la bonne nouvelle. Vos qui n'espérez plus, Dieu donne la vie éternelle par le sang de Jésus. Amour divin, amour ciblé, pour nous le roi. Quitte les cieux et mon essai, ô amour, des vins et blumes, nous le roi des rois quitte. Les yeux et mon respect. La coupe amère des souffrances, c'est bien bon, pédante. Et la coupe est délevante, c'est pour pour la mort, des vins, des brumes, pour nous le roi, le roi, au quitte, les cieux, et mon reçut, pour l'amour. Pour nous le roi, le roi, au quitte, les yeux, oh, oh, oh, et mon reçut. Pourquoi donc, père, je reprendrai encore, père, Christ, levez les yeux, regardez-la. Sur nous, il fait briller l'aurore des matins, pour l'amour des vins, des blêmes pour nous, le roi, le roi. Ok, ça. Les cieux victimes et mortes pour l'amour des vins et brumes, nous le roi. Oh, quitte, quitte les cieux, certes victimes. Et mourir seul, pour l'amour des vins, simplement pour nous le roi, pour Jésus, pour qu'il fasse les yeux, oh, oh, oh, et mourir seul, c'est la vérité. Nous allons solo. Prions chacun maintenant. Bon, nous l'avons connu, mon cousin Saipi. Nami kolo na libo sopo lo jibe po ete po ete na mani yeso ko. Yo kate gai na luki gai na lu ona luki na molili kemba na ma kemba pamba benage bo telemawa mawa bolo jebe angai na luke ngai na lu ana luke na modili kembo dama kamba pamba benage bo bele mawa mawa bolo jebe sikawana moni solo po benaye ye atane se ye atane se le kolona mio tobe aye akama se ye akama te lomba onkola ye abongi se motema gaina peme na libolo papo babeng aye akamate ye akama te laboko ye abongi se motema gaina peme na libolo na pomape o moi na boto mai na boto ye ajale mo e kanangai te o pe sole pe sole e pange pe ko e se tobe o yeso kanganga tokan kanganga makasi kolope sangu yana molende pete naina leka leka leka leso sote o yeso kanganga tokan kanganga maka ekolope sangu ya na molende fetenga ina lekalekalekaliso sote. Louange à Jésus-Christ pour toi. Joli et pas Jésus-Christ pour la belle âme. Un sauveur digne et parfait. Mon fils qui bon guide. Un stratège sans pareil. Mon salut à l'heure le tout-puissant conquérant de Golgotha. Mon amour du calvaire. Le Dieu aux solutions éternelles. Zambé Nabiano Zalazala. Il résout bien tout ce qui doit être résolu. Dieu t'aime, il t'aime. Il te veut du bien, du bonheur éternel. Il te veut la paix du cœur, parce que le monde ne peut la donner. Tenons-nous en à la parole. Persévérons jusqu'au bout. Les récompenses, il y en aura. Les bénédictions, il y en a déjà. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous nous sentons si indignes et petits d'entendre ces grandes choses et des voyons quand tu as accompli dans la simplicité et que le Saint-Esprit annonce par la prédication pour quiconque croira et qu'il voie les effets, qu'il palpe les résultats, qu'il voie le changement de Dieu dans sa vie, dans le travail, dans les affaires, dans la vie familiale, elle-même et la vie prospère. Tu vois le changement des choses. Quand tu es celui qui vit dans ta parole, et tu sois sur nos prières, Seigneur, et soulève nos cœurs pour marcher plus près de toi, mon Dieu. Exauce-nous chaque jour. Et garde ton troupeau. Dans les puissants noms de Jésus-Christ. Jusqu'à nous revoir. Et pour ta gloire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu soit loué, notre Seigneur. Voilà.